Tous les jours je chatte sur Snap, un de ces quatre faudra qu'on tape. Moi je te courir après sur Twitter, dans ma RDD je serai à l'heure. J'mets la clé dans le contact, j'mets la clé dans le contact, j'mets la clé pour démarrer le moteur. Cherche la clé pour démarrer ton cœur. J'ai un gros dos, n'aie pas peur, je suis créditeur. Pour t'avoir, ils vont te mentir qu'ils sont producteurs. Je veux juste qu'on fasse un tour du TikTok. Les capites sont tentés par que je suis tricard. Les bagues courent comme des poulets fermiers. C'est peut-être le futur père des deux enfants qu'ils veulent enfermer. Je serai dans le bip, tu vas me reconnaître. Mon gamou, c'est celui qui passe en ciel comme une comète.